cause du nôtre, on se parle plus. Mes larmes sont cachées par la pluie, t'as vu. À quoi bon sert de faire le dur? Je t'ai validé, et ça pour toute la vie. Car tout à fait, ton cœur saigne planqué sous ta veste. Tout ça me pousse à faire les bras en l'air, ne suis plus un geste. Et tous dansent sans que ça parte en sucette. Même par moments, à deux doigts du suicide. On est comme chien et chat, ouais, dans une chasse à l'homme. Une bouteille d'eau n'éteint pas un chalumeau. Et sans but, et sans but. L'amour a des conséquences sur ta vie. Et sans recul, sans recul. La dépression te fait des trucs top. Gâté, j'ai tout gâché. Gâté, j'ai tout gâché. Gâté, j'ai tout gâché. Gâté, j'ai tout gâché. À quel moment vais-je y arriver? Elle voudrait un homme comme on met en produit dérivé. J'ai pas de royaume, mon royaume comme Gulliver. J'perds la notion du temps, mais sommes-nous en hiver? Dois-je sombrer dans l'ivresse ou bien éviter la rechute? Le regard dans le vide, mes yeux n'ont pas de parachute. J'suis comme déconnecté, aurais-je besoin d'une parabole? J'perds le contrôle de ma vie, je dois revoir mes paramètres. Ah non, ah non, et sans but, et sans but. L'amour a des conséquences sur ta vie. Et sans recul, sans recul. La dépression te fait des trucs top. Gâté, j'ai tout gâché. Gâté, j'ai tout gâché. Gâté, j'ai tout gâché. Gâté, j'ai tout gâché. Ah non. Là, 243. Ah non. T'as vu NASA, on est sorti de notre but. Ah non. Après premier étage, est-ce le paradis? Ah non. Ah, gâté, j'ai tout gâché. Ah, gâté, j'ai tout gâché. Ah, gâté, j'ai tout gâché.